Voilà, donc on avait prévu de faire ça de manière assez décontractée, en faisant ça sous forme d'interview et en posant des questions. Et moi, j'ai pensé faire ça trois petites parties. Donc je ne vous présente pas Sylvie Reff, hein, puisque je crois que vous la connaissez tous. Donc une partie sur le livre précisément, ensuite une partie sur la poésie et l'écriture, et une dernière partie sur la foi et le lien que tu fais entre ton écriture, ta vie, ta foi. Donc sur le livre précisément, je ne sais pas si vous l'avez tous vu, maintenant que la librairie est là, la librairie Oberlin, vous pouvez le feuilleter, vous pouvez le regarder. C'est un très beau format, je trouve. Alors c'est une nouvelle collection chez Olivetan. Est-ce que tu es la première à être éditée dans cette collection-là ? Est-ce que tu as été l'initiatrice de cette collection ? Enfin, est-ce que tu en as discuté avec l'éditeur ? Non, j'avais envoyé le manuscrit à plusieurs éditeurs qui l'ont bien sûr refusé. Et pourquoi bien sûr ? Et jusqu'à ce que l'Olivetan, curieusement, réponde oui. Et voilà. Et finalement, il était emballé et je pense que ça lui a donné l'idée. C'était anciennement le Réveil, hein, donc c'était une maison très spécialisée. Oui, Réveil Publication, oui. Voilà, qui faisait des calendriers, faisait des choses de théologie pure et dure. Mmh. Et j'imagine que comme c'est un langage un petit peu différent de ceux dont ils ont l'habitude, plus ouvert et plus libre, et ils se sont dit peut-être que ça pourrait s'adresser à une autre catégorie de lecteurs, ou leur donner l'idée qu'on peut aborder ces choses-là d'une autre manière. Et donc il a eu l'idée de lancer cette collection. Et le deuxième livre, Tu ne l'as pas là, c'est le même format, c'est très joli d'ailleurs. Oui, dans une autre couleur, et c'est un collectif. Là, c'est plusieurs auteurs, plusieurs poètes qui sont édités ensemble. Je trouve ça très encourageant. Ouais. J'espère qu'il y en aura... Comment ? J'espère qu'il y en aura d'autres, parce que c'est vrai que c'est... On n'a pas beaucoup d'ouvrages de ce type-là. Il y en a quelques-uns chez Labor et Fides, dans la collection Spiritualité. Tout à fait. Je vais juste vous lire la préface parce que je la trouve assez réussie. Puisque ça s'appelle Collection Poète de la Parole. L'auteur de l'épître de Jacques encourage ses lecteurs à devenir des poètes de la parole. Moi, je n'avais jamais repéré ça dans l'épître de Jacques, mais voilà. Cette formule transcrit dans la langue du Nouveau Testament l'expression hébraïque « faire la parole ». Qui incite à mettre ses actes en accord avec une promesse verbale. En grec, s'ajoute une ouverture à l'inspiration, comme dans le cas des poètes, et la communication d'un souffle d'enthousiasme auprès des auditeurs concernés. Quelle que soit l'œuvre produite par le poète de la parole, qu'elle se concrétise sous la forme d'un acte pratique de la vie quotidienne ou même d'un silence éloquent, elle est appelée à transmettre dans l'échange entre les êtres humains un souffle reçu de Dieu. C'est à la fois très beau et c'est aussi un poids pas si facile que ça à porter. Est-ce que tu penses à tout ça quand tu écris des poèmes ? On ne pense pas. On n'est pas dans l'intellect quand on écrit. Hein. C'est quelque chose de global. D'ailleurs, tous ceux qui sont là, je crois, écrivent et le savent. Donc, on ne s'embarrasse pas. On est porté. On est un instrument de musique et voilà, quelque chose nous traverse. Donc on n'a pas le temps pour la réflexion intellectuelle. Voilà. Je me réjouis de cette collection parce qu'il me semble qu'elle est nécessaire et je suis très contente que ça paraisse chez Lyon. À Lyon, parce que j'avais publié il y a longtemps, il y a 25 ans, un autre livre qui s'appelait « Servante du soleil » à Lyon. Et c'était une maison très catholique et un père très catholique qui avait... ça s'appelait l'Aude, cette maison d'édition. L'Aude, d'accord. Voilà. Elle a disparu depuis. D'accord. Combien de livres as-tu écrit ? Enfin, as-tu publié ? Une vingtaine. Ans, chaque livre, c'est comme les enfants. Chaque livre est le premier et chaque livre est le seul. Et aucun livre ne résume les autres. Je veux dire, chacun a un destin unique et vient à un moment particulier. Voilà, même s'ils ont un air de parenté, comme peuvent l'avoir des enfants d'une même famille. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que il n'y a pas de thématique. Les textes s'enfilent comme des perles. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout rangés. Il y en a des courts, il y en a des longs, ça passe d'une thématique à l'autre. Ça parle de la vie quotidienne, ça parle de Dieu, ça parle... Il y a des ouvrages qui sont rangés par thématique. Est-ce que c'est une volonté de ta part? Est-ce qu'ils sont publiés dans l'ordre de... Enfin, comment tu les as rangés? Ils se sont rangés tout seuls dans la mesure où il y a quand même, je vais dire Noël par exemple, oui. Précède Pâques, qui précède la Pentecôte, donc il y a quand même un ordre ordre qui ne saute peut-être pas aux yeux parce qu'il n'est pas contraignant, et dans la mesure où ça s'achève sur une bénédiction, voilà. Donc il y a un ordre liturgique, c'est quand même un ordre caché. Ils ne se sont pas rangés tout seuls. Il y a un ordre caché quand même. D'accord. Ok. Enfin, c'est un beau livre à offrir. On peut en lire juste une ligne et on peut en lire plusieurs pages. C'est comme un viatique. Hein. Merci, je suis bien contente parce que celui de nos enfants qui lit le moins m'a dit « Ah, j'ai tout lu en une fois. » Alors, j'ai dit « C'est pas possible. » Alors ça, je ne lirai pas en une fois, moi. Elle m'a dit « Mais si, c'est court, c'est pas triste et c'est léger. » Alors je me suis dit, bon, ça fait plaisir à entendre, parce que finalement les thèmes abordés sont tous sauf légers, ils sont vraiment pas légers, hein. Je veux dire, l'histoire de ma voisine qui s'est jetée sous un train le samedi de Pâques, c'est pas léger, je veux dire, voilà, donc c'est pas léger, mais finalement... toutes ces choses, quelque part, prises dans un souffle, et puis, comment dire, rendues à des labours profonds, précèdent des moissons tellement joyeuses que finalement on en oublie la douleur du labour, et on en oublie la cendre, et on en oublie le reste, parce que je crois que c'est happé dans un souffle. En fait, c'est pas du tout un livre volontaire, c'est de la récupération de mes journaux que j'écris depuis toujours. Et donc, à force d'écrire et d'écrire, on a honte, parce qu'on se dit que ça ne sert absolument à rien. Je ferais mieux de travailler au Resto du cœur, ou de faire des choses concrètes, positives, lourdes, visibles. Et puis finalement, pour se justifier, l'autre jour, j'ai un petit peu sorti des petits extraits de ci, de là, en me disant, en les rassemblant, ça pourrait... donner quelque chose de pas trop lourd et de pas trop embêtant à lire pour les gens. Et c'est comme ça que ce livre est né. Voilà. Et j'ai surtout pas d'autodénigration, s'il te plaît. Mais c'est pas de la dénigration, non. Non, je remets les choses à leur vraie place. D'accord. Non, mais ça, si on... Donc j'avais par exemple des textes sur Noël, des textes sur Pâques, et c'est très difficile de les mettre dans un autre, de les caser dans un autre ensemble. Alors que là, je tenais à les rassembler, et donc il fallait les faire précéder par quelque chose qui leur servent d'introduction en quelque sorte, hein, et voilà. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc j'ai pu caser tous ces poèmes sur Pâques, la Pentecôte, les voisins, les voisines, la mort, le quotidien, les enfants, les petits-enfants qu'on croit garder alors qu'en fait c'est eux qui nous gardent, etc. Voilà. Toutes ces choses de la vie, ces humbles quotidiens qui sont des étincelles, parce que j'ai toujours à cœur certaines paroles de je ne sais plus quelle sainte qui disait « une goutte de temps est une goutte de sang » et qui rappelait à la sainteté de chaque instant finalement. Et lorsqu'on songe que chaque journée est faite de 86 500 secondes par jour, un chiffre très impressionnant, mais chacune de ces 86 500 par jour pourrait être la première et la dernière, et ce calcul leur confère un poids infiniment amoureux, en quelque sorte, qui fait qu'on n'a pas du tout envie de les galvauder et qu'on a plus que jamais le désir de célébrer ce temps qui passe. Et comment le célébrer sinon par la musique ou par les mots, même s'ils sont complètement insuffisants. Mais sans les mots, le réel est encore plus insuffisant. Ce sont des dés à coudre pour vider la mer, mais sans ces dés à coudre, des mots, on ne peut rien partager, finalement. Est-ce que tu nous en lirais quelques-uns, là? Ben, je veux bien, oui. Ce choix éternel entre flamme et flemme. Ce sont des jeux de mots, hein. Ça commence pas par ça. Hein. Nous vivons pour l'inattendu des jours, la rosée ardente des rencontres, les rires de la certitude, la fidélité est d'accomplir. Nous ne vivons que d'aimer. L'amour ne possède rien, mais tout lui appartient. Chaque jour est un brasier de rosiers, et les hirondelles très haut récrivent les psaumes en plein cœur de cette lumière qui est le vêtement de Dieu. Être pauvre, riche du seul ciel bleu, du vent dans les branches, du champ jusqu'au bout tenu, être riche de l'instant sur la peau et posséder le regard de la première étoile. À Noël, par exemple, on m'avait demandé un texte de Noël. Et donc je l'ai récupéré et je l'ai un petit peu agrandi. Noël, on attendait un roi, il est venu un enfant, comme un cri de foi, sur la paille du jour. Jaillit de la compassion, sans orgueil, sans nom, la rosée de la crèche, du cœur, qui ne dit pas non. On attendait un roi, il est venu un enfant, flamme fragile parmi nos souffles, nos voix, frêle étoile qui traverse la chair pour prendre vie, et demain est moins certain que notre amour pour lui. On attendait une promesse, il est venu une présence, et depuis cette nuit-là, chaque jour est une naissance. Chaque vie à Noël. Je ne vais pas tout lire, hein, parce qu'il y en a tellement. Non, la nuit a du foin frais dans les cheveux. Une abeille soulève le ciel. Il ne reste que les âmes, les bouches et la confiance des roses. La terre est vraiment le lieu de Dieu. Que ta volonté se fasse, mais peut-elle jamais faire que tu ne nous aimes plus? Il y a bien une ouverture là-dedans, un passage, une échappée, un regard qui s'ouvre, un cœur qui se tend, un désir oublié sur les fils, déserté par les hirondelles. Toute chaleur n'est pas perdue. Seule la discipline s'obstine à casser des cailloux sans voir que ce sont des étoiles. Les mille gestes du jour, la grande soif qui brûle dessous. Les enfants mordent en riant dans la pomme du monde. Sur chaque soupir, la nuit a déposé un peu de miel, car ne portons-nous pas dans nos cœurs les clés les uns des autres. Toucher Dieu, c'est se laisser toucher par lui. Chaque choix peut devenir le bon, ça dépend du jardinier. À toi, Patricia. Oui, merci. Comment est-ce qu'on devient poète? Je pense que chaque être naît poète, que nous sommes tous poètes. Et que la poésie, c'est tout simplement l'enfance en nous qui continue de nous irriguer de sa source et de son émerveillement. Je crois que c'est quand tout est pour la première fois. Et je crois que tout est toujours pour la première fois quand on est amoureux. Et je crois être croyant, c'est être amoureux. On ne peut pas être croyant sans être amoureux. Oui. Et du coup, on est poète. Et donc, tous les croyants sont des poètes et tous les amoureux aussi. C'est bien, mais quand moi je vais dans ma paroisse, quand je fréquente cette maison dans laquelle je travaille depuis longtemps, je peux te dire qu'il n'y a pas beaucoup de poètes. Hein. c'est beau comme vocation. Mais comment ça se fait qu'on est 99% à avoir perdu cet esprit d'enfance ou cet esprit de poésie ou... Bon, je ne pense pas que les gens l'aient perdu. Je pense simplement que la vie dans laquelle ils acceptent de s'engrenager quelque part ne leur permet pas de revenir à cette gratuité, parce que c'est une gratuité folle, hein, et que pour une gratuité il faut déjà un socle de sécurité finalement, et que la poésie ne vient que lorsqu'on lâche tout. C'est ce lâcher prise qui fait que tout est donné. Alors comment est-ce que tu as fait, toi, pour garder ce... Je ne sais pas garder. Ça me garde. Ça te garde. Je ne garde rien. Ça me garde. C'est différent. Oui, c'est vrai. Ça me garde. Et ça nous garde, je pense, quelque part. Parce que la vie est tellement courte que c'est pas la peine de s'embarrasser. Cela nous garde, dès qu'on accepte de le reconnaître aussi. Et la Bible, est, je pense que tous les pasteurs et tous les gens qui travaillent avec la Bible, c'est vraiment la poésie à l'état pur. Et on ne peut pas y rester insensible. Je veux dire, il y a une telle force de de poésie, de germination, de souffle, de vérité. C'est le cristal parfait où la vérité rejoint la beauté, la poésie, la Bible. Mmh. Et je crois que ce goût pour la poésie me vient beaucoup de la Bible. Psaume, oui, beaucoup. Tu lis beaucoup la Bible ? Pas régulièrement, mais j'y reviens toujours, comme on revient à ce buisson ardent qui est au cœur de chacun et qui nous fonde et qui nous, qui n'est jamais loin de notre souffle et que nous ne pouvons pas ignorer, pas plus qu'on peut ignorer le souffle, parce que si on cesse de respirer, on n'est plus là. Et c'est pareil, la Bible c'est pareil, c'est cette espèce de connivence entre mon souffle et le souffle fondamental, la parole. Comment est-ce que tu écris ? Quand est-ce que tu écris ? Enfin, comment quand j'ai le temps. C'est connu, quand on a l'inspiration, on n'a jamais le temps. Quand on a le temps, non, j'ai toujours l'inspiration. Enfin, je n'ai pas d'inspiration, je suis inspirée. On ne l'a pas, on est. Donc tu écris pour une femme, partout dans... Oui, partout. Un feu rouge, en faisant du repassage, en jardinant, voilà. Donc ça t'habite en permanence ? Le premier support matériel, le papier qui passe. Sinon, j'essaie de faire comme Léon Leloir, de mémoriser. J'arrive pas toujours. Léon Leloir, je parle de lui parce que je l'aime beaucoup. C'est un Belge, un prêtre catholique, qui à l'âge de 36 ans, s'est retrouvé à Buchenwald. Parce qu'il était résistant, il était torturé comme tout le monde. Et donc à Buchenwald, sans papier, sans crayon, et il a été brutalement confronté à l'horreur la plus absolue. Et à ma connaissance, je crois que c'est le seul qui, pour ne pas devenir fou, il avait déjà l'habitude de l'alexandrin et de l'hexamètre, qui sont des moyens mémotechniques naturels. Et donc pour ne pas devenir complètement fou, tous les jours, composer un encastré, si vous voulez, faisait tenir l'intenable dans l'alexandrin et dans l'hexamètre. Et donc tous les soirs, il composait un poème sur ce qu'il avait vu. Et comme il n'y avait pas de papier ni de crayon et qu'il était sous-alimenté, que la mémoire ne fonctionne pas bien, etc., et ben, il s'obligeait à l'apprendre par cœur. Résultat, au bout d'un an de Buchenwald, en avril 45, libéré, son premier souci a été de... d'aussitôt consigné sur le papier, retrouvé tous ces poèmes, et il y en avait des centaines. Je ne sais pas comment il a fait. C'est probablement ça qu'il a tenu aussi. Pardon. C'est probablement ça qu'il a tenu aussi. Ça l'a tenu, voilà. Parce que ce à quoi nous donnons forme empêche aussi que nous nous déformions. Si vous voulez, ça fonctionne dans les deux sens. Et voilà. Et ce livre qui s'appelle Sobrement Buchenwald. Est à ma connaissance le seul récit live, parce que vécu jour après jour, de faits qui ne sont pas consignés ailleurs et qui sont extrêmement précieux. Et la cruelle ironie du sort a voulu qu'une année après son retour, il périsse dans un accident qui était en fait un meurtre dissimulé. C'était des règlements de compte d'anciens déportés qui ne supportaient pas son témoignage parce qu'il passait son temps à faire des conférences sur ce qui s'était passé à Buchenwald, où les communistes avaient étaient devenus les capots et avaient la main haute sur toute l'organisation du camp. Et donc les prêtres, surtout les prêtres agissant, parlant, etc., étaient très mal tolérés. Et comme il révélait lors de ses conférences après-guerre des choses un peu gênantes pour ces gens qui, entre-temps, étaient devenus ministres et occupés de hautes fonctions, eh bien, il a été éliminé. Il a été suicidé, comme on dit. Voilà, donc il reste de lui ce récit. Et c'est pour ça, pourquoi est-ce que j'ai parlé de Léon Leloir maintenant ? Parce que on a... Ah, comment j'écris ? Et donc Léon Leloir n'avait pas de papier, pas de crayon. Oui, oui. D'accord. Il n'avait rien. Et toi, tu as des crayons et des papiers disséminés la maison ? Non, il n'y a pas de papier, pas de crayon. C'est comme la musique, tous les jours. J'ai plein de musique qui me traverse je sais pas toujours, j'essaie d'apprendre par cœur, mais on n'a pas toujours des choses sous la main. Et souvent, le soir, c'est... évaporé, mais c'est pas grave. Il en vient d'autres, et puis si évaporé, ça devait être. Voilà. Est-ce que tu gardes tout ce que tu as écrit ? Non, mais je sais plus ce que j'ai écrit, parce que souvent les amis... Est-ce qu'il y a des archives ? Non, j'ai rien. Les archives ? J'ai beaucoup de désordre, et je sais plus ce que j'ai écrit, trois quarts du temps. Est-ce que si tu tiens des journaux ? Oui, les journaux, oui, mais les journaux, je ne parle pas de moi. Hein. Oui, je non, parle non, pas non, moi. Je parle des gens autour de moi, je parle de l'actualité, de ce qui se passe dans le monde. Oui. Voilà. Non, parce que l'autre jour, une amie m'a envoyé par mail un texte que j'ai trouvé magnifique, qui commençait par « Le silence passe les eaux », et ça continuait. Et j'ai dit « Écoute, Nina, d'où est-ce que tu as ça ?» J'ai dit « C'est magnifique, s'il te plaît, tu envoie-moi. » Elle a dit « Mais tu te souviens pas ?» Elle a dit « C'est de toi. » J'ai dit « Très gênée. » Je me souviens absolument pas. J'avais même pas inscrit. Et donc, depuis, je ne demande plus. Et écrire, est-ce que c'est une souffrance ou est-ce que c'est une joie ? Ou les deux ou... C'est souvent un devoir parce que ce sont des... Comme la voisine qui se jette sous le train qui était dépressif depuis des années, un samedi de Pâques, et en laissant sa fille juste à 3 semaines avant le bac, enfin un mois je crois, et c'est des choses, on peut pas les avaler, on peut pas les taire ou les mettre, donc on écrit pour les poser quelque part, c'est un acte thérapeutique, hein, un exorcisme en quelque sorte, on le sort de soi, pour que ça vous laisse un petit peu tranquille, voilà. Et je crois que toutes les choses sont comme ça, les célébrations aussi, on vit des choses merveilleuses, on a envie de les noter. Hein. On note parce que c'est précieux, parce que c'est la vie, parce que c'est qu'une fois, et que je sais plus quel poète, je crois que c'était un Serbe qui avait dit que dépêche-toi d'écrire, parce que c'est comme si tout ce qui n'avait pas été écrit, dit, exprimé n'existait pas. Voilà. Et quelque part, c'est vrai que c'est donner une deuxième fois une existence aux choses que de les reconnaître et que de leur donner un abri dans les mots ou dans la musique ou dans autre chose. Est-ce que tu peux nous lire ce texte sur cette voisine? Parce que ça fait 2 fois que tu en parles. Ah oui. En plus, à Pâques, on vient de... Après, il y a d'autres textes sur Pâques aussi, mais on vient de fêter Pâques. De quelle vie rêvait-elle pour ne pas supporter celle-ci? Ma voisine qui s'est jetée sous le train ce samedi de Pâques entre croix et résurrection, laissant ses enfants transis de jeune solitude, son homme hébété de détresse, les oiseaux se sont tus. Un immense silence a englouti son passage. Les anges la ramassent pour la rendre à l'espérance, mise à dormir dans la tombe, en attendant mieux, n'avouant plus que la grande tentative d'aimer que fut toute vie. C'est comme écrire après Auschwitz, c'est pareil. On a dit qu'on ne pouvait plus écrire après Auschwitz. Et, je veux dire, quelque part, c'est un devoir de... Mais il vaut mieux écrire que pas écrire. C'est un... Non, puis c'est aussi, c'est un devoir de dire, pour que d'autres... Parce que sinon, comment est-ce que les gens peuvent savoir si on ne dit pas et si on n'écrit pas? En elle, le monde vieillit, seul Dieu et les enfants sont toujours neufs. Devenir plus vaste que la peur, plus profond que l'injustice, plus jeune que la vie, et courir dans l'incertitude, certain d'y rencontrer l'amour. Que peut-on rendre à la splendeur, hormis la gratitude? Tu avais certainement d'autres questions? J'en ai quelques-unes encore, puis après peut-être que vous en aurez aussi. En fait, sur le lien entre la foi, la parole et la vie, quel lien tu fais entre ton écriture et ta foi? Est-ce qu'il y a quelque chose de conscient ou est-ce que c'est tellement mêlé? Enfin, comment est-ce que tu répondrais à cette question un peu bizarre? Il faudrait déjà définir ce qu'est la foi à ce moment-là. Alors, parce qu'on écrit peu, on n'écrit pas que la foi, on écrit tout. Non, mais t'es et on écrit aussi la foi. Ouais. Ces textes-là, oui, parce que j'ai regroupé, comme je l'avais expliqué auparavant, des textes sur Noël, sur Pâques, et donc je les ai casés dans un ensemble cohérent, mais je n'écris pas que sur cela. Non, mais il y a une base continue quand même. Oui, bien sûr. Si on prenait l'image d'une tapisserie, il y a un fil qu'on retrouve quand même. Mais écrire, c'est déjà avoir la foi. Sinon, à la foi en l'autre qui vous lira, c'est croire que ça sert à quelque chose. Ça, c'est la foi qui n'a rien à voir avec la foi chrétienne. Mais la foi qui nous enracine, il est inévitable qu'elle transparaisse à travers nos écrits. Parce que c'est comme un feu. C'est le feu qui est ce buisson ardent qui est en nous, et il ne peut pas ne pas transparaître dehors. On ne peut pas dire je vais écrire sur le Christ, je vais écrire sur la foi ou sur ça. Mmh. On écrit d'abord ce qui vous touche ou ce qui vous fait vivre ou ce que vous espérez. Ou... Je pense que c'est comme ça pour tout le monde, hein, ce qu'on a vécu. Alors moi j'avais préparé une question que tu as lue tout à l'heure, tu m'as dit oh là là, je te la pose quand même, la foi ça sert à quoi ? Bah, vivre, à mieux vivre, à trouver le sens qui fait que la vie est vivante et à trouver le sens qui fait que les hommes sont frères, sont tous les mêmes, ont les mêmes, sont essentiellement un et le reste je ne sais pas. Ça sert à vivre, à mieux vivre, à bien vivre, à nous relier, à... ça sert à s'interroger aussi. Mais c'est jamais une possession, c'est pas un acquis. C'est quelque chose qui nous remet sans cesse en marche. C'est comme un clou dans le fauteuil de l'histoire. Il y a cette histoire si propre à l'Alsace qui fait que, eh bien, la foi, c'est jamais un fauteuil confortable. C'est pas une possession. C'est, on peut pas posséder, on peut pas toucher. C'est le clou qui nous fait, qui nous remet debout. Hein. C'est la clé cas, c'est... Mets-toi en marche sans arrêt, c'est recommence, c'est interroge-toi, c'est vie, va, deviens. Ça t'est déjà arrivé dans ta vie d'avoir envie de d'être fatigué de tout ça, c'est-à-dire de plus avoir envie de te lever, de plus avoir envie d'avoir un clou dans les fesses. Tout le monde en marche à quatre pattes, ouais, oui, bien ouais, sûr, ouais, c'est ouais. Bien sûr. Mais quelque part, comme on n'est pas seul, il y a toujours des autres qui espèrent en vous. Et qui ont les yeux levés sur vous, et à cause de ces autres-là, on n'a pas le droit. À cause de ces autres-là, on ne peut pas. Il y a toujours des regards, surtout des regards d'enfants, des regards d'espérance. Il y a toujours des gens qui attendent quelque chose, donc c'est pas possible, quoi. c'est pas possible. Alors toi qui as ancré ta foi dans l'Église protestante, ça aurait pu être dans une autre vie, tu serais peut-être autre chose, mais là tu es dans l'Église protestante. Qu'est-ce que tu espères pour l'Église d'aujourd'hui et de demain ? Bah, qu'elle redevienne amoureuse. Je ne peux pas lui souhaiter autre chose. Qu'elle redevienne amoureuse, qu'elle redevienne vivante, qu'elle communique surtout avec les autres, qu'elle aille vers les autres, qu'elle s'ouvre, qu'elle réalise que nous sommes tous pareils et que, je ne sais pas, qu'elle aille, qu'elle devienne, qu'elle s'ouvre, qu'elle risque, qu'elle prenne des risques, oui, c'est ça, qu'elle prenne des risques. Pas qu'elle récite, surtout pas qu'elle récite. Parce que réciter, c'est vrai, chaque fois que je dis le Notre Père, je m'émerveille parce que j'ai l'impression que cette prière pourrait être récitée par un musulman, par... Jésus-Christ n'était pas chrétien, n'est-ce pas ? Donc, le Notre Père, finalement, je suis obligée de me le dire plusieurs fois par jour, parce que je trouve cette prière merveilleuse, et je ne peux pas être sans qu'elle se récite en moi, et chaque fois, j'y découvre autre chose, et je me dis qu'elle convient à toutes les religions. Parce que Notre Père qui est au ciel, ça correspond absolument à toutes les religions, à toutes. À tout délivre-nous du mal, ça correspond à toutes les religions, et je trouve qu'elle est universelle, et je trouve ça fantastique. Et c'est peut-être ça le chemin d'avenir de ce que je souhaite à notre Église, c'est de retrouver l'universel et vice-versa. D'être plus dans l'interreligieux. Pardon ? D'être davantage dans l'interreligieux. Parce que ça, ce sont des termes techniques. Oui, c'est vrai. Ce sont des termes techniques. Je pense juste à un passage d'un de mes romans où mon héroïne est recueillie par un vieux médecin juif, alors qu'elle n'est pas juive du tout. Et puis, alors il l'interroge toujours sur ce Jésus, et puis il faudrait savoir. Et puis elle lui répond par Dieu. Il dit, mais quel Dieu finalement ? Et elle lui dit, elle ramasse un bas, elle lui dit, celui qui a créé tous les hommes. C'est, voilà, c'est cette fratrie fondamentale qui est peut-être notre plus bel avenir, je pense. J'espère que dimanche. Comment ? J'espère que dimanche. Ah ! Ce sera suffisamment nombreux des passages. À se rappeler que nous sommes tous frères, parce que. Ce sont des passages, parce que tous les prisonniers attendent l'espérance qui passe dans la nuit pour ouvrir les murs avec des mains de femmes. Il n'est d'issue que vers autrui, et tous les humains sont des histoires d'amour en marche. Je termine quand même avec le dernier. Puissiez-vous poursuivre vos chemins dans la légèreté de la confiance, sachant que de toute chose, seul l'amour demeure. Voilà, das Wort zu Sonntag, comme disent les Allemands. Oui. Merci, c'est une parole de bénédiction. Comment ? C'est une parole de bénédiction, merci. Ouais. Oui, bon, on bénit jamais assez. Hein. Je me dis toujours, quand on bénit, on est sûr de ne pas se tromper. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Le titre, c'est toi qui as choisi ? Ou c'est l'éditeur ? C'est un extrait d'un autre de mes poèmes. D'accord, parce que c'est un très beau titre, je trouve. Oui, bien sûr. Le Trésor de vivre, c'est un très beau titre. Oui, oui, oui. C'était un... Mais c'est toi qui as choisi ou c'est Christian Bonnet ? Ah oui, non, je ne laisse pas choisir un homme pour moi. Quand même. Ah oui. Non. Même s'il est sympa. Parce que les éditeurs, souvent, choisissent les titres. Mais ah oui, bien, non, je ne l'aurais pas laissé. À ce moment-là, je ne sors pas, je préfère pas sortir le livre. D'accord. Mais pas, non, non. Je veux dire, on est entier, on n'est pas. Voilà. Est-ce que vous auriez des questions à Sylvie ? J'avais quand même remarqué que la couverture a la même couleur que la face en entière. Oui, ah non, c'est pas fait exprès. Oui, alors ça, c'est... Pas fait exprès. Non, j'ai pas fait exprès. Vraiment pas fait exprès. C'est quand même des coïncidences. Oui, oui. Mais c'est vrai que c'est... L'autre tome est plutôt dans les saumons. Mais oui, c'est la couleur du ciel. Pardon ? C'est une couleur de paix, d'apaisement, de la maturité, quelque chose qui a... Ah bon ? Qui nous porte la couleur du ciel aussi, la couleur de... Oui. C'est possible, de l'Europe, oui. Il n'y a pas peur des mots. Oui, c'est la couleur des yeux de notre fille aînée. Quand elle était petite, elle a dit... Elle a des yeux comme ça. C'est vrai, c'est la couleur du ciel quand on l'espère. Quand il fait beau. Mais même quand il fait pas beau, il est là quand même. Jean-Paul est un grand aquarelliste qui a sorti plusieurs livres. D'accord. Et donc sa remarque provient de... De son regard. Voilà, de son regard. Et tu as beaucoup de bleu comme ça dans tes aquarelles. Aussi. Comment ? Oui, aussi. Mais ils ont tous écrit des livres, c'est trop sympa, c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres événements prévus pour... Comment ? Est-ce qu'il y a d'autres événements prévus Zéro, pour la sortie c'est le seul. Rien. Non, je sais pas. Rencontre avec des lecteurs. Pardon ? De rencontre avec des lecteurs ou quelque chose, non ? Des lecteurs, ben non, c'est vous. Mais je pense qu'il y aura plus de lecteurs que nous, parce que oui, Valérie en a déjà vendu pas mal, mais c'est vrai que... Ouais. C'est bien, ouais. C'est ça. Olivetan n'organise pas de tournée ou de apparemment, dans les librairies. Non, je pense qu'ils n'ont pas les moyens. Et non, ça fait partie de l'aventure. On ne sait jamais. Est-ce qu'on va en vendre 10 000 ou seulement 3 ? C'est ça qui est bien. Comment ? 3 000. On ne sait pas. Non, tu as quand même déjà, pardon ? Dans le temps, quand même beaucoup rencontré au FEC. Oui, mais je l'ai proposé, ils veulent m'inviter cet automne. Au fait, il y aura en général, il y a 8 personnes ou 30 dans le meilleur des cas. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas... S'il y a une seule personne, elle représente toutes les autres. Donc c'est pas grave. Une ou un million, c'est pareil. De toute façon, ce qu'on sème, on ne sait pas ce qu'on moissonne, mais tu sèmes, là, en faisant... Heureusement qu'on ne sait pas ce qu'on reçoit parce qu'on aurait la grosse tête. Mmh. Je pense que notre seule chose à faire est de semer. Mmh. Et je pense que une des joies les plus belles, c'est quand on a complètement oublié ce qu'on a semé. Mmh. Et quand on dit, mais si, là-bas, ça a levé, regarde. Mmh. Et je crois que ça, c'est une des joies les plus pures qui soit. Parce qu'on n'a rien fait, quoi. Mmh. C'est une grâce, comme disent les catholiques. Mmh. Mais même les protestants parlent de grâce. Oui, il paraît. Surtout cette année. On fait que ça. C'est un beau mot. Cette année. Oui, c'est beau. Oui. C'est un beau mot. Bon, avec notre accent alsacien, hein. Grâce. Et... Je me souviens d'une sœur, j'ai adoré deux mots avec l'accent alsacien qui me reste par rapport à la prière. Au diaconat, on avait une rencontre, je faisais partie de la sœur Albert Schweitzer. Et donc, on avait un repas avec les sœurs une fois par an. Et elle lisait toujours un passage de la Bible. Et il y en a une de la vallée de Münster qui voulait dire qu'elle allait nous lire un passage de la Genèse. Et avec son accent, ça a donné, je vais vous lire un extrait de La Jeunesse. Il trouvait ça très beau, La Jeunesse, qui est La Jeunesse, en fait. C'est exactement pareil. Et comme on a souvent des lecteurs à la campagne, bah, le dimanche à l'église, et il y en a un qui avait aussi un accent merveilleux. Et moi, j'aime beaucoup parce que je me sens chez moi. C'est pas du léché, hein, c'est du vécu. Et il voulait dire « prions ». Et il a dit évidemment « brillons ». J'ai trouvé ça très beau, parce qu'effectivement, quand on prie, on brille. Et donc ça, c'est la vérité qui transparaît à travers les accents et les langages. Et, et les concerts, le chant. Voilà, en ce moment, c'est... Tu composes encore Oui, bien sûr, ouais, tout le temps. Ouais. Mais il y a un an, j'en ai un peu assez. Et donc je fais comprendre à mes anges que j'ai un petit moment de paix. Ils ont tellement bien compris que pour la première fois, je n'avais même pas un concert. Mm-hmm. C'est le message a été entendu. Bon, parfois quand on prie, on est exaucé, hein, faut faire attention. Oui, non, mais je sais. Non, j'en ai deux ou trois, mais des petites choses comme. Voilà. Ma voisine qui souhaitait dire quelque chose. Non, c'est bon. Je vous en prie, madame. C'est bon. Non. On a peut-être déjà répondu. Oui, voilà. Voilà. Ouais, non, la musique, c'est la poésie à l'état brut. C'est peut-être une poésie plus brute parce que en Alsace, où on tête plusieurs langues à la naissance, on ne sait jamais laquelle est la bonne et la vraie, etc. Et la musique règle tous ces problèmes parce qu'elle est largement au-dessus. Elle est pure, elle dit tout sans passer par le truchement des langues. Je ne parle pas des chansons, hein, mais de la... voilà. Et donc, c'est peut-être pour une de ces raisons que j'aimais tellement la musique et que je continue à me laisser inspirer, et elle me traverse toujours. J'aurai tous les jours plein de mélodies et de ça. C'est une chance. Et c'est un devoir, donc c'est un devoir aussi. Et donc du coup, ben, je fais des choses qui manquent. J'ai fait plein de chants pour l'église, des chants de baptême, aussi des chants de Noël. Mais comme dans l'église, tout passe par des commissions qui sont comme ça, j'avais composé... Je note. Voilà, non, bon... Non, mais tu as raison. Vous savez, rien n'empêche les oiseaux de voler au-dessus des frontières. Hein, c'est pas une commission qui va arrêter quelque chose. Mais là, je me suis un petit peu fâchée, pas pour moi, mais parce qu'on m'avait demandé de composer un chant pour la réforme, là, pour l'anniversaire. Oui. Donc, tout le monde a été averti. Je me suis mise au travail. Il fallait le faire en français, en allemand... en anglais, sur le thème de « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Et comme je ne me débrouillais pas trop bien avec l'écriture de notes et tout ça, j'ai fait appel à un ami musicien qui a pris sur son temps précieux pour tout, afin que tout soit réglo comme il faut, enregistré, etc. Donc j'ai envoyé tout ça par mail au jour convenu, mais comme je plane un peu, j'avais pas vu qu'il fallait se préinscrire. Il y avait un formulaire de préinscription que j'avais totalement omis, que j'avais même pas vu. Et donc pendant 4 mois, je n'ai pas eu de nouvelles. Et au bout de 4 mois, j'ai quand même demandé des amis qui m'avaient sollicité et qui ont de leur côté creusé demandé, et qui m'ont dit, mais tu sais, c'était un vice de procédure. Alors je me suis fâchée, je leur ai écrit, j'ai dit, écoutez, j'espère qu'il n'y a pas de vice de procédure au paradis quand on arrivera là-haut, qu'on va pas tous être... Ça a été refoulé pour vice de procédure. J'ai dit, si c'est comme ça là-haut, on arrive et voilà, refoulé pour vice de procédure. Il faut redescendre. Ouais, c'est un peu dur. Hein. Ah, oui. Et donc du coup, je l'ai un petit peu envoyé aux amis, j'ai fait circuler sous le manteau pour qu'il y ait une petite chance d'existence. Ouais. Mais j'étais pas fâchée pour moi, ça m'est complètement égal. C'est vraiment pas, mais pour mon ami musicien qui avait pris sur son temps précieux et tout. Je me suis fâchée. Donc la musique, je continue, j'ai fait des choses pour les enfants aussi, parce que je trouve que ça manque cruellement. Quand on était petit, on avait des chants de table qu'on chantait avant de manger, on avait des chants avant d'aller dormir pour les rassurer, et là, c'est un peu le désert, je ne trouve plus rien. Oui. Et donc pour les petits-enfants, j'ai créé pas mal de chants. Ça aussi, c'est un champ, de temps quelque chose à éditer, je trouve. Pardon. Ça serait quelque chose à éditer. Enfin, moi, je découvre. Oui, mais c'est un manque. Oui, c'est un manque quand on a des enfants. On a la chance de garder nos petits enfants tous les jours, et donc en les voyant grandir, l'aîné n'a que 7 ans, on constate un petit peu ce dont l'être humain a le plus besoin et ce qui manque aussi. Hein. Et comment aborder Pâques, les chocolats, le lapin et tout. J'ai demandé, je ne m'excusais pas que. Ah ben c'est les œufs. Alors allez donc expliquer je veux dire la résurrection, la croix, les gamins de 7 ans. Alors que eux sont, c'est lapin de Pâques, chocolat, etc. C'est pas évident. Et c'est tout le temps comme ça. Et je trouve ça très intéressant quand ils vous demandent qui a créé Dieu. C'est ouais. Petit philosophe en herbe, mais pardon, les petits philosophes en herbe, mais c'est les questions les plus voilà. C'est là que je dis qu'il y a des manques parce que c'est à nous d'essayer de formuler des éléments de possible quant aux réponses qui puissent les satisfaire et donc j'essaie de créer ces choses, ces petites choses utiles, du moins pour les miens dans un premier temps, et puis après on verra. Voilà.